Lee Sung-il, chercheur de l'Institut du désarmement et de la paix du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, a publié le 23 courant un commentaire intitulé « Conduite bien méritée » qui dit notamment. Récemment, le journal sud-coréen Chungang Ilbo a écrit que lors de ses tournées au Japon, en Corée du Sud et en Chine, le secrétaire d'État américain Tillerson a qualifié le Japon de pays allié le plus important, alors que la Corée du Sud de compagnon important. L'auteur s'est plaint que l'administration Trump apprécie l'alliance avec la Corée du Sud au niveau inférieur que le Japon. Le journal d'économie quotidienne de Corée du Sud a rapporté que le missionnaire américain n'a prononcé aucun mot sur Saad lors de la rencontre avec le chef de la diplomatie chinoise, de sorte que la Corée du Sud ne peut plus escompter sur l'influence américaine envers la Chine qui exerce la pression sur elle à cause de la disposition de l'armement américain. Il a ajouté que les presses de divers pays du monde ont rapporté que la Corée du Sud est fort navrée du dernier périple de Tillerson. L'opinion publique affirme que la dernière visite du secrétaire d'État US a montré les liens entre le suzerain et son valet et l'attitude américaine envers la Corée du Sud qui les considère comme tuteurs. Si la Corée du Sud prend parti de la politique d'hostilité américaine envers la Corée sans savoir qui est l'empêcheur de la réunification et l'ennemi juré de la nation et recourt à la confrontation fratricide, elle ne pourra jamais se débarrasser de sa situation misérable.